J'ai même plus besoin de me présenter. Kobala Delis, le jeune rappeur le plus attendu. Allô? Eh ben ton zinc, c'est Chris. Ouais. Tu connais? Ah ouais? Il est à Rennes en ce moment. Ouais. Mon zinc, on va aller connu mon zinc. Petite là, on va faire les répètes là, pour ma release partie, tu connais. J'arrive pas à choisir la quai. Je regarde encore et il me s'en fout d'appeler pas naquer. Et les keufs commencent à me faire chier, à me dire tous les jours juste pour jouer à chat. La vie tient bon. Koba, il a fait un score de fou de vendredi à vendredi, les gars. Koba. Ok, merci à tous. Regarde mon chichon, ouvre le sévère comme des pistaches. Tu fais si tu touches ou tout le t-shirt sera rempli de chasse. La vie retrouve les jambes une belle vie. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. T'as connu ma maman quand tu sais. Fermeture du rinqué, des hommes de keuf, pas grave quand même. Je stresse, je revends du shit, c'est triplet. 7 jours après, oh là là. Mais oui, et oui. Mais oui, 7 jours après, 4 du 7. Oh, c'est du qui donne. Combat du 7, tu sais. Ouais, combat du 7, tu sais. Ouais, combat du 7, tu sais.